Racine de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, bien, je vous propose aujourd'hui d'écouter une conférence de Célia Izoard, qui est journaliste pour la revue de critique sociale itinérante Z. On a déjà eu l'occasion avec les auteurs de cette revue de faire des émissions sur Radio Zinzine. Et Célia Izoard est auteure, traductrice aux éditions Agone. Elle avait traduit récemment David Noble, Le progrès sans le peuple. Il y a aussi un ouvrage écrit par un certain nombre de travailleurs chinois, La machine est ton seigneur et ton maître. Et incidemment, elle est aussi membre du groupe Oblomov de critique de la recherche scientifique. Donc, dans cette conférence qui a été donnée en mars 2017 à l'Université populaire de Toulouse, eh bien, elle expose les conséquences politiques et sociales de l'automatisation et de la robotisation générale qui affectent actuellement nos sociétés industrielles. Je vais tout de suite passer une petite présentation qui introduit la conférence, puisque il y a d'autres intervenants aussi dans cette conférence, mais pour cette émission, je passerai d'abord Célia Izoard, dont la conférence fait un peu plus d'une demi-heure. Et dans une autre émission, je passerai les deux autres intervenants. Et donc tout de suite la petite présentation qui va avec cette série de conférences. En 1927, Fritz Lang décrivait dans Métropolis une mégalopole dans une société dystopique qui, en 2026, était divisée en une ville haute où vivent les familles intellectuelles dirigeantes dans l'oisiveté, le luxe et le divertissement, et une ville basse où les travailleurs font fonctionner la ville et sont opprimés par la classe dirigeante. Soumis à un rythme infernal imposé par les machines, ils se révoltent et le dirigeant de Métropolis fait construire un robot pour semer le chaos parmi les ouvriers. Ce robot devint une icône futuriste pour ce film qui servit de référence notamment à Blade Runner, où ce sont les machines qui, à leur tour, se révoltaient contre les humains. Alors, nous voici en 2017, on n'est pas si loin que ça de 2026. L'an dernier, le 26 décembre, dans le New Yorker, Elisabeth Colbert publiait un article qui s'appelait « Notre futur automatisé, combien de temps avant qu'un robot vous prenne votre travail ?» Dans cet article, elle posait la question « Et si tous les emplois de l'avenir étaient remplaçables par des robots, si au même titre que la finitude de la planète, il y avait une progression insoutenable par nos sociétés dans l'automatisation du travail ?» Plus récemment, le 17 février, même Bill Gates annonçait dans une vidéo qui fit le tour du monde qu'il fallait taxer les machines. Le 22 février, dans la revue Wired, qui n'est pas connue pour son scepticisme vis-à-vis du progrès technologique, paraissait un article intitulé « Regardez les choses en face, devenir joueur professionnel de jeux vidéo sera le seul travail qui restera. » Et le 8 mars, paraissait dans la revue de l'Université de Manitoba un article intitulé « L'automatisation n'est pas le problème, le capitalisme l'est. » En France, la robotique et le numérique s'invitent aussi dans la campagne électorale de 2017, posant les questions de la reconquête de la maîtrise publique des technologies liées au numérique. Et faire cet après-midi de réflexion était particulièrement important à Toulouse, vu que le 9 février dernier, le LAS présentait un robot humanoïde nouvelle génération, qui s'appelle Pyrène, et qui est destiné à apprendre le vissage et le perçage. Alors si la robotique s'apprête à percer, l'humanité est-elle condamnée à dévisser? Le Pyrène est-il à venir? C'est ce qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Voilà, donc petite introduction assez humoristique avec référence à Blade Runner. Il va être question du laboratoire LAS, L2AS, un laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes donc qui travaille sur la robotique. C'est l'un des grands laboratoires de recherche du CNRS avec environ 700 personnes et 20 groupes de recherche qui a été créé en 1968 et qui donc est associé à l'Université de Toulouse. Donc un très grand centre de recherche sur la robotique dont il va être question dans l'exposé de Célia Izoard qui suit à l'instant. Je me présente en deux mots, je me suis dit qu'il y avait deux choses peut-être importantes à dire. Je suis issue de la région parisienne. En 2005, avec une bande de copains, enfin, au milieu de plein d'autres choses, on est allé détruire des bandes biométriques qui avaient été installées dans un lycée. Et j'étais inculpée et condamnée pour ça. Un peu de prison avec sursis. Et on a mené avec les amis beaucoup d'agitation sur la critique du développement technoscientifique, considérant que c'était une entrée dans le capitalisme qui était très très peu contestée, très très peu ouverte, et que, étant donné l'époque dans laquelle on se trouvait, c'était très étonnant. Et j'ai participé donc avec d'autres à un groupe qui s'est appelé pendant quelques années le groupe Oblomov, qui était un groupe composé en grande partie de chercheurs de toutes les disciplines et qui voulait contester la finalité et l'orientation des recherches scientifiques qui étaient menées. Voilà pour deux mots de présentation. Donc pour ouvrir largement sur cette discussion, je dirais que la robotisation est très présente dans cette campagne présidentielle, mais que la manière dont elle est présente révèle un élément très important, c'est que, en fait, elle est considérée comme inéluctable. Elle est considérée comme un développement historique, une forme de nécessité historique à laquelle il semblerait vain de s'opposer, mais qu'on peut, pour les partis les plus à gauche, éventuellement compenser par des aménagements sociaux, des compensations sociales, comme la taxe sur les robots ou le revenu universel. Mon propos sera de contester l'affirmation selon laquelle c'est inéluctable, ou en tout cas de montrer la nécessité impérieuse, d'autant plus pour nous qui vivons à Toulouse, c'est-à-dire un des centres en France des recherches en robotique, de venir ouvrir un champ de lutte, un champ de contestation sur les recherches qui sont menées actuellement, qui découlent de financements extrêmement précis et qui créent des rapports de force extrêmement précis dans le monde dans lequel on vit. Donc, dire déjà, ce que je vais amener, c'est que rappeler que l'automatisation, dans l'histoire du capitalisme industriel, c'est un rapport de force dans un conflit de classe. Et c'est avant tout cette chose-là, massivement. Et aussi que, comme je l'ai dit, c'est un choix de société qui est décidé de manière autoritaire et que le développement technique pourrait prendre des formes extrêmement différentes. Donc, un choix de société qui est décidé de manière autoritaire par des instituts de recherche, des dirigeants dans le monde de la recherche, qui, faute aussi d'intervention de la part de la société civile, parce que la recherche scientifique est une sorte de trou noir dans la démocratie, il n'y a absolument aucun espace, d'aucune sorte où les gens pourraient avoir leur mot à dire sur quelque chose qui, pour autant, détermine l'essentiel de notre quotidien, comment nous vivons, comment nous travaillons. Donc, faute d'intervention dans la société civile, ces dirigeants, ces grands instituts de recherche se mettent naturellement au service du patronat. Et c'est clairement ce qui est en train de se passer et ce qui s'est passé par le passé. Donc, ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'on peut, nous, on ne peut pas entériner aussi facilement, même moyennant des compensations économiques, un projet de société aussi catastrophique que celui de démultiplier la présence de robots dans notre quotidien, dans notre travail. Car derrière ce qui est toujours présenté comme l'horizon millénariste de la suppression du travail humain, qu'on prophétise depuis plus de 2 siècles, on constate qu'il y a une prolétarisation toujours plus accrue du travail lui-même. En gros, que le boulot pourri se démultiplie avec l'automatisation. Et aussi que par le passé, et sans doute aussi par le futur, la robotisation installe un rapport de force extrêmement favorable à la grande industrie. Ensuite, je ferai un point sur le fait que la démultiplication des robots, c'est comme l'infrastructure numérique elle-même, qui est en fait une très très grosse infrastructure industrielle, c'est un coût écologique et humain qui est proprement insoutenable. Alors sur le premier point, que j'intitulerai donc « Les patrons rêvent d'ouvriers électriques », pour faire moi aussi un petit clin d'œil à Blade Runner. Je pense qu'il faut souligner et rappeler que l'usine sans travailleurs, c'est l'horizon du système industriel depuis sa création. Alors, je vais vous parler un petit peu de Andrew Hough, qui est né en 1777 en Écosse, qui est considéré comme le père de l'industrialisme. Il a notamment écrit une grande œuvre qui s'appelle « La philosophie des manufactures » en 1835. Et cette grande œuvre, c'est en fait une tentative de conforter la suprématie anglaise en matière de commerce et d'industrie en menant une tournée d'inspection des usines de toute l'Angleterre qui va lui permettre de rédiger un exposé des principes des manufactures, donc des nouvelles fabriques, qui va être destiné à servir de guide à tous les entrepreneurs qui voudraient, dont il espère qu'ils vont se lancer dans ce commerce florissant. Et donc, il nous pose une définition qui va devenir assez classique, c'est la définition de la manufacture. Manufacture est un mot auquel les vicissitudes du langage ont donné une acception tout opposée à sa signification intrinsèque. Il signifie aujourd'hui toute grande production de l'art réalisée à l'aide de machines et n'exigeant que peu ou point de main-d'œuvre. Ainsi, la plus parfaite manufacture est celle qui peut se passer entièrement du travail des mains. Vous voyez que nous sommes en 1835 et il y a déjà un horizon au modèle industriel qui est celui-ci. Le travailleur humain occupe un statut intérimaire. On le considère comme un expédient imparfait, un automatisme futur. Et à partir de ça, on peut quand même réfléchir sur l'idée générale que dans le capitalisme, la précarité du travailleur, elle est structurelle. Il est toujours menacé par la prochaine vague d'automatisation, en étant par ailleurs menacé par beaucoup d'autres choses. Donc pourquoi les patrons rêvent-ils d'ouvriers électriques ? Andrew Orr définit l'industrie anglaise comme un système dans lequel tout procédé extrêmement délicat et par conséquent sujet à souffrir de l'ignorance et de l'esprit de routine des ouvriers est soustrait à la main-d'œuvre et confié à l'opération de machines automatiques. Et il donne un exemple. Dans les filatures de gros fils, les fileurs ont abusé de leurs privilèges jusqu'à l'excès, dictant des lois à leurs maîtres de la manière la plus arrogante. Les salaires élevés, au lieu d'exciter dans leur esprit la reconnaissance et une amélioration morale, ne leur ont que trop souvent inspiré de l'orgueil et fourni des fonds pour encourager des esprits turbulents à se mutiner. Ces mutineries ont été le fléau des manufacturiers les uns après les autres. Blablabla, bla, bla, il parle des émeutes désastreuses qui ont eu lieu dans plusieurs endroits. C'est ainsi que les célèbres machinistes Sharp and Company de Manchester, les priant d'appliquer leur génie inventif à la construction d'une mule Jenny automatique, ayant reçu l'assurance de l'encouragement le plus libéral dans l'adoption de ces inventions, M. Roberts, alors très peu versé dans le mécanisme des métiers affilés, interrompit les travaux de sa profession comme ingénieur et appliqua toute la fertilité de son génie à construire un automate fileur, la fameuse Mule Jenny. C'est ainsi que l'homme de fer, comme l'appellent avec raison les ouvriers, sortit des mains de notre Prométhée moderne au commandement de Minerve, création destinée à rétablir l'ordre parmi les classes industrielles. Cette invention vient à l'appui de la doctrine que nous avons déjà exposée. C'est lorsque le capital enrôle la science à son service, la main rebelle du travailleur apprend toujours à être docile. Voilà, une illustration, disons, assez éloquente du fait que, de manière assez massive, l'automatisation répond aux efforts constants du patronat pour contrôler la production du début à la fin, et donc pour retirer aux salariés ce contrôle sur la production. Cette thèse-là a été ensuite défendue dans un livre qui s'appelle en français « Le progrès sans le peuple » de David Noble, que j'ai pu traduire, où cet historien des sciences et des technologies qui enseignait au MIT montre que c'est exactement ce qui se joue dans la vague d'automatisation de l'industrie qui débute à l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, et qui va se poursuivre dans les années 70 avec le début de la numérisation, le lancement de la commande numérique, donc la grande vague d'automatisation qui va causer le chômage de masse qui va suivre. Et il montre à quel point la grande industrie est sortie renforcée de la révolution des automatismes et de l'informatique qui a débuté à l'après-guerre et qui ne s'est jamais terminée puisque nous sommes à nouveau dedans. Donc, en quatre points, les travailleurs ont moins de pouvoir sur le processus de production, ils sont prolétarisés, c'est-à-dire que autant le discours qui est véhiculé tend à dire que leur travail étant supprimé, ils vont pouvoir se concentrer sur des tâches plus créatives, ce qu'on appelle l'upgrading, le devenir artisan du travailleur d'usine, alors qu'en réalité, certaines grèves, certains mouvements le disent bien à l'époque, non, on nous a ôté un contrôle sur la production, et c'était ça l'intérêt. Mais il n'y a pas eu de upgrading. Ensuite, les suppressions d'emplois obtenues par cette automatisation permettent de grossir l'armée de réserve du capital, les chômeurs. C'est la part indispensable du système dans lequel nous vivons, la possibilité de dire à ceux qui sont récalcitrants, ceux ou celles qui sont récalcitrants, que plein d'autres gens attendent derrière pour avoir le boulot. L'informatique, l'automatisation, donc, permet de gérer des chaînes de production à l'échelle de la planète et donc de mener les délocalisations. Il y a un papier assez éclairant là-dessus dans le dernier CQFD. Il y a des... Célia Isoard ici fait référence au numéro de CQFD qui est paru en février 2017, qui consacre un dossier à l'informatisation des métiers, une qui reprend l'abréviation ACAB, All Computer Are Bastards. Voilà, vous pouvez encore le trouver auprès de CQFD à Marseille, ou bien nous demander à Radio Zinzine de nous en faire une copie. Tout de suite, on continue avec Célia Isoard. Et enfin, quatrième point, la menace de la prochaine vague d'automatisation a un rôle symbolique et un rôle en termes de rapport de force qui est très très important, puisqu'elle plane en permanence sur le métier, sur un très très grand nombre de métiers, que ce soit cariste ou secrétaire dans le travail social. Et cette menace donne le sentiment à celui qui exerce le métier que son emploi n'a en réalité pas d'avenir et que donc ça ne sert à rien de le défendre et que donc ça ne sert à rien de défendre une manière de travailler. C'est l'ensemble du savoir-faire qui est frappé d'obsolescence. Et même si pour l'instant il reste irremplaçable, c'est en fait une menace qui jette en quelque sorte un mauvais sort et qui rend très très difficile de se défendre. Alors, mais aujourd'hui évidemment c'est très très différent puisque nous ne sommes plus dans l'ère de la robotique. Nous avons trouvé un moyen de dépasser ce problème. Nous sommes dans l'ère de la cobotique. Et avec la cobotique, les robots sont des collaborateurs, les robots sont des compagnons. Ce ne sont plus les ennemis des travailleurs. Alors, la cobotique, c'est un terme qui est apparu assez récemment, pas au-delà de ces 5 dernières années. Et en grande partie, c'est vraiment une opération de communication. On nous dit, aujourd'hui, les robots ne remplacent plus les travailleurs, les travailleuses, mais permettent de les assister dans des tâches pénibles et répétitives. Je vous ai cité tout à l'heure Andrew Orr. N'oubliez pas que le père de la philosophie de l'industrialisme disait lui-même « Le but et l'effet constant des progrès de la science dans les manufactures sont vraiment philanthropiques. Ils tendent à soulager l'ouvrier des minutieuses pratiques qui épuisent son esprit et fatiguent sa vue. » ou des efforts pénibles et réitérés qui contournent et usent son corps. Donc vous voyez que ce discours est déjà très ancien. Mais à quoi correspond réellement la cobotique? En fait, il y a une réelle rupture technologique qui vient avec la cobotique, mais c'est avant tout le fait que les robots industriels, jusqu'à aujourd'hui, ils étaient cantonnés dans des enceintes de sécurité. Pour la sécurité des gens qui travaillaient autour, parce qu'ils pouvaient juste tomber sur les gens, faire des gestes très très violents, et que c'était une menace très directe, potentiellement incontrôlable. Aujourd'hui, avec le développement de la robotique, on peut faire sortir les robots de ces enceintes pour les amener sur les chaînes d'assemblage, ou dans les espaces de travail en général, et donc même dans des PME, dans des espaces complètement différents. Donc la cobotique, c'est, je dirais, pas tant une libération de ceux qui travaillent, qu'une libération des robots eux-mêmes. Ils sortent. Et c'est bien ça le problème. Un robot collaboratif, par exemple, ça n'est pas autre chose qu'un robot qui est lâché dans une usine et au-delà dans l'espace public. Et l'idée qui est derrière la mise en place de la cobotique, c'est d'améliorer la productivité en associant robots et travailleurs sur ces chaînes de production. Mais à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans un espace où on doit collaborer avec un robot, passer des objets? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de gestes, de ce qu'on va faire, de comment on vit? Et on a des bonnes raisons de penser que c'est en fait absolument terrible. C'est-à-dire que c'est une soumission de ceux qui travaillent à un processus qui est lui-même robotisant, c'est-à-dire un processus qui transforme celui qui se trouve à côté du robot en machine. Et donc, que ce double mouvement de robotisation, c'est-à-dire le fait de robotiser des tâches et en même temps d'imposer aux humains un travail robotisant, ben ça n'est en réalité rien d'autre qu'un perfectionnement du taylorisme. Alors, à ce propos, moi, je vous rappelle que Frédéric Taylor, donc l'inventeur de la division scientifique du travail, disait ouvertement que ces méthodes de division scientifique du travail servaient à lutter contre la flânerie des ouvriers, dans un esprit très proche de celui de Howe. Il prétendait que l'idéal pour lui serait de faire travailler des singes éduqués. Le meilleur travailleur est un singe éduqué. Et alors, c'est intéressant parce que ça fait directement écho à quelque chose qui est beaucoup plus actuel. Ce sont les déclarations du PDG de Foxconn. C'est le troisième employeur privé au monde, hein. En gros, l'empire de la sous-traitance électronique qui a émergé il y a 30 ans suite à la massification de l'électronique dans le monde. Il emploie au moins 1 million de travailleurs en Chine, 1,5 million dans le monde. Et Terry Gou, donc le patron de cette boîte, il a une ligne de propagande, il a une ligne de communication qui est très très différente de celle du patronat français ou du patronat qu'on trouve dans les pays plutôt du monde occidental. Il explique très clairement à quoi vont servir les robots. Je vous en donne un exemple. Donc je vous parlais de Taylor avec ses singes éduqués. Terry Gou, le PDG de Foxconn, a fait venir en 2012, lors d'une assemblée générale, le directeur du zoo de Pékin en lui demandant d'apporter des techniques de management à ses administrateurs parce que lui est fatigué de la gestion de ses 1 million d'animaux. C'était son expression. Et donc, comment le directeur du zoo de Pékin s'y prend-il pour gérer ses animaux? Et donc, ce qui est parlant, c'est que dès 2011, c'est-à-dire après la grande vague de suicides qui a été médiatisée dans ces usines, notamment à Shenzhen, où en une saison, il y a une dizaine de personnes qui se sont suicidées ou qui ont tenté de se suicider sur leur lieu de travail. Et face à la demande constante aux revendications pour les augmentations de salaire, Terry Gou a annoncé le remplacement de ces 1 million d'animaux par des robots tout à fait typiques de ceux qui sont lancés aujourd'hui sur les chaînes, qu'il appelle des Foxbots, donc, en disant très, très directement, c'est comme ça que je vais mater ma force de travail, point. Bon, 6 ans plus tard, il y a seulement quelques dizaines de milliers de robots qui fonctionnent, car évidemment, le travail humain a une force, une souplesse qu'il n'est pas si facile de remplacer. Mais en revanche, cette menace est directement utilisée contre les ouvriers, les ouvrières qui sont placés sur un siège éjectable. Bien sûr, Terry Gou prend quand même le soin de souligner que ces Foxbots ne serviront pas à remplacer ces travailleurs, mais à les aider. Donc, sur ce point, moi, ce que je voulais montrer, c'est que les robots sont l'armée de réserve du capital. Ils s'inscrivent dans une logique de renforcement du salariat esclave. La robotique humanoïde de service, dont Toulouse en partie s'est fait une spécialité avec les recherches qui sont menées au LAS et à l'IRIT, ces robots compagnons donc vont prolonger dans des sphères jusque-là épargnées par le travail esclave, par le travail mort-vivant, les secteurs comme la santé, l'aide sociale, l'éducation, l'aide aux personnes âgées. Ils vont exporter des logiques d'usine à des travails comme ça. C'est ce que moi j'ai tenté d'expliquer aux roboticiens du LAS à qui j'ai adressé il y a 2 ans des lettres ouvertes. Intégrer des robots dans l'assistance aux malades ou aux personnes âgées, c'est déposséder encore plus les travailleuses de ces secteurs, de l'exercice de leur sensibilité et de leur intelligence. C'est contribuer au rapport de force écrasant en leur défaveur. Et là encore, n'oublions pas que les robots ne robotisent pas seulement les tâches, mais aussi ceux qui interagissent, ceux ou celles qui interagissent avec eux. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de moins 1. On écoute en ce moment Célia Isoar qui nous fait une conférence sur la robotisation et ses conséquences sociales et politiques. Voilà, encore une vingtaine de minutes avant la fin de cette conférence. Hello. Donc, peut-être un autre point sur les choses qui ont été apportées dans le progrès sans le peuple par David Noble. Lui, il parle beaucoup de la manière dont le monde des ingénieurs et le monde des chercheurs est amené à travailler pour l'industrie et amené à concevoir des systèmes qui vont renforcer ce type de rapport de force. Il a des analyses qui sont assez percutantes là-dessus parce qu'il analyse ça en termes de monde social. Il dit, le patronat, le monde du management est finalement socialement très proche du monde des chercheurs et du monde des ingénieurs. Ce sont des gens qui peuvent se voir, qui peuvent se côtoyer. Et pour cette raison, il y a une connivence réelle dans la manière dont devraient marcher les choses. En tout cas, lui, il le constate au MIT à travers plein d'expériences qui détaillent. Les étudiants ou les jeunes ingénieurs ne vont pas du tout spontanément se demander quel est le point de vue des travailleurs sur les techniques, les technologies qu'ils développent. Ils vont même parfois oublier l'existence des travailleurs. Par exemple, mener des projets en interrogeant toute une chaîne, en oubliant de poser la question à ceux qui sont les principaux concernés par le type de système qui sont mis en place. Ce qui évidemment change tout. Moi, j'ai choisi de vous détailler un tout petit peu certains projets de recherche qui sont menés actuellement pour vous montrer l'ampleur du parti pris patronal des recherches en automatisme qui sont menées aujourd'hui, et notamment à Toulouse. Et c'est aussi, comme je le disais au départ, pour nous inviter à voir que ce sont des choix politiques très précis, les projets de robotisation, qu'il n'y a absolument rien d'historiquement nécessaire là-dedans, et que ce sont des projets sur lesquels on peut agir si on essaye de faire de ces espaces de la recherche un lieu d'antagonisme politique au même titre que les autres lieux dans la société. Alors, par exemple, donc il y a un grand projet européen qui chapeaute un peu tous les projets en robotique. Ça s'appelle le projet Horizon 2020, donc pour 2020. C'est 74,5 millions d'euros de financement de projets de recherche en robotique pour 3 ans qui sont dispatchés sur plusieurs centres de recherche européens, avec chaque fois au moins une entreprise partenaire. Et parmi ces entreprises partenaires, on trouve en gros les géants aujourd'hui de la robotique, qui sont les entreprises KUKA, ABB et Ocado. Celles-là même qui sont en ce moment en train d'ouvrir des centres de production de robots en Chine. Ils sont en train de s'installer, de commencer la production en masse de robots. Et parfois, dans ces programmes de recherche européens, ce sont ces entreprises, c'est-à-dire les géants de la robotique aujourd'hui, qui pilotent complètement la recherche. La recherche se fait pour eux. Alors, par exemple, il y en a plein, hein, et ils sont tous du même acabit. Moi, je n'ai pas spécialement sélectionné des choses très différentes des autres. Je veux dire, il n'y a pas une très grande diversité. Donc, on a, par exemple, le projet Comanoid. C'est 4,2 millions d'euros pour un projet de recherche partenarial entre le CNRS et EADS pour l'assemblage de pièces chez Airbus. Voilà, truc assez typique. Assemblage de pièces par des robots. Le projet au nom bucolique de Flourish, 3,5 millions d'euros pour créer, grâce à un partenariat entre le CNRS et Bosch, un système couplant un drone et un robot à terre pour s'occuper des cultures, des herbages, traitements et arrosages sans intervention humaine. Le genre de projet qui nous montre à nouveau à quel point la robotique, en prétendant très hypocritement supprimer le travail, vient en fait se loger dans des structures de production qui sont par elles-mêmes problématiques et qu'il faudrait démanteler. La robotique, évidemment, ne peut pas être une réponse à ça. Le projet RobDream KUKA, donc KUKA qui est donc le troisième fabricant mondial de robots, améliorer les fonctionnalités des robots industriels en les faisant travailler pendant leur phase inactive grâce à des algorithmes. Donc une logique un peu copiée sur l'idée que les humains ont besoin de dormir, c'est comme ça qu'ils régénèrent leur intelligence. L'idée, c'est de faire en quelque sorte dormir, faire travailler les robots pendant leur sommeil pour les rendre plus performants sur les chaînes de production. Le projet Sarafan, 4 millions d'euros pour améliorer les fonctions et l'adaptabilité du robot Frida. Frida, donc, pour Friendly Robot for Industrial Dual Arm Assembly, qui remplace les humains sur les chaînes de montage. Projet Second Hands, 6 millions d'euros. Création d'un robot assistant pour automatiser la maintenance des robots dans les entrepôts tout automatisés de Ocado. Qu'est-ce que c'est Ocado? C'est le roi de l'e-épicerie anglais, fondé par un ancien de Goldman Sachs. Et donc, c'est des entrepôts complètement automatiques. Et donc là, l'idée, et l'Europe finance ce projet de recherche pour 6 millions pour automatiser les entrepôts d'Ocado. Super, bénéfice social pour l'ensemble, voilà, pour tout le monde. Projet Soma, 6 millions d'euros. Soft Body Manipulation, donc permettre aux robots de manipuler des corps mous. Et vous allez comprendre quels sont ces corps mous quand vous saurez que donc, c'est un partenariat entre Walt Disney et Ocado et d'autres organismes de recherche. Donc des ballons, des choses comme ça. Autre projet, Sweeper, 4 millions d'euros pour automatiser la récolte des poivrons dans les serres des firmes agroalimentaires avec la firme hollandaise Irmato, un gérant de l'agro-industrie. Voilà, donc ça c'est un petit aperçu. Je ne vais pas continuer pendant des heures, rassurez-vous, mais je vais vous donner quelques exemples de projets financés par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui sont plus proches, enfin qui sont, je dirais, tout aussi proches de nous. Amorce, 900 000 euros, un projet CNRS, algorithme et modèle pour un robot collaboratif éloquent et social. Étude de l'interaction homme-robot dans un espace de travail centré autour de la manipulation des pièces mécaniques. Icaro, améliorer l'interaction des robots industriels avec les humains. Là, CNRS, EADS, Peugeot. Riddle, robot dans les environnements quotidiens. 800 000 euros pour le LAS, l'IRIT et le CHU de Toulouse. Présentation du projet. Lorsque les robots vont entrer dans les espaces privatifs et aider aux tâches ménagères, les exigences pour ces robots vont changer. Alors que tout robot industriel requiert force, précision, vitesse et endurance, un robot domestique requiert plutôt des capacités de navigation et de communication naturelle avec les utilisateurs. Rodolphe citait tout à l'heure Pyrène. Il y a eu tout un coup de médiatisation de ce robot qui manipule des outils et donc qui est développé par le LAS CNRS, qui a bénéficié de plusieurs financements. Au niveau européen, environ 4 millions, plus 2 millions 5, plus 700 000 euros. Enfin voilà, c'est des sommes absolument colossales. Il n'est pas trop mis en avant que donc, le partenariat, c'est entre le LAS et PAL Robotics, une entreprise espagnole, dont l'activité est complètement en phase avec tout ce que je viens de vous présenter, hein, puisque c'est une société de robotique humanoïde de service qui propose, de manière très commerciale, des robots pour guider, complimenter et aider vos invités. Donc voilà, c'est dans des palais des congrès, quand il y a des grands séminaires d'entreprise, dans des magasins. Et donc avec Pyrène, on a typiquement un exemple. Et donc et ça sert aussi, enfin, ils proposent aussi des robots pour automatiser la réalisation d'inventaire. C'est ce qu'ils annoncent. Donc on voit là qu'on a typiquement un exemple de recherche qui est salué de manière très enthousiaste par l'ensemble des médias qui bénéficient d'un focus du journal Le Monde, dont les effets sociaux projetés et à venir sont extrêmement contestables. Enfin, qui veut vraiment voir dans les magasins apparaître des tas de robots pour nous guider, nous complimenter? Donc, assertion paradoxale, mais moi qui me semble importante de rappeler, on se trouve typiquement là dans une logique où l'innovation est paradoxalement l'outil privilégié de la préservation du statu quo. On innove pour que le monde reste le même, pour que rien ne change, pour que les rapports de force restent ce qu'ils sont ou empirent. Voilà, par rapport à la manière dont le monde de la recherche cautionne, par exemple, l'OLAS, très très bien, accepte très très bien cette idée. Je trouvais intéressant de ressortir l'exemple de Norbert Wiener, donc le fondateur de la cybernétique, qui, après avoir fait des tas de choses pendant la Deuxième Guerre mondiale, a quand même eu une réflexion suffisamment poussée sur le développement des automatismes qu'il participait à créer, pour à un moment donné réaliser que son travail pouvait éventuellement apporter des améliorations très marginales dans des situations très spécifiques, mais que son impact massif sur la société serait désastreux. Et de faire la part des choses entre les gadgets qui vous facilitent la vie, mais qui ne représentent qu'en fait des applications voilà, très, très périphériques, et l'effet social global. Et donc Norbert Wiener dans une lettre que j'ai reproduite là, qui est aussi dans la revue Z, écrit au président du syndicat des travailleurs de l'automobile en 1949, Walter Reuter, pour lui dire, voilà, moi je vous propose de travailler avec vous, parce que les entreprises commencent à me démarcher aujourd'hui pour fabriquer des automatismes pour les chaînes de montage de l'automobile aux États-Unis. Et je considère que ça pose un énorme problème. Donc je veux en discuter avec vous, soit pour arrêter ces recherches, soit pour travailler avec les syndicats pour développer des technologies qui seraient différentes, mais en tout cas, pour ne pas laisser faire ça. Voilà, je pense que c'est important de garder en tête que ces initiatives-là étaient possibles, même à cette époque de grand optimisme technologique. Et je terminerai par un rappel voilà, de la question de la situation écologique, environnementale dans laquelle on se trouve aujourd'hui, parce que je trouve que c'est notre situation existentielle. Le déferlement de toutes ces technologies joue un rôle énorme, en fait, dans l'impossibilité de freiner le désastre qui est en cours. Et donc, j'ai envie de rappeler ce que signifie le fait de produire des millions de robots d'un point de vue environnemental et social. C'est complètement contraire à toutes les mesures urgentes qu'il faudrait prendre aujourd'hui pour lutter contre la surconsommation des ressources naturelles et de l'électricité, dont la consommation grandit d'année en année. On le sait, qui a bondi, je crois, de 350% entre 1973 et 2013. Je crois que c'est ça, les chiffres. La robotique va nécessiter une démultiplication absolument effrénée d'une production électronique qui est déjà une impasse totale d'un point de vue environnemental. On ne sait pas comment faire aujourd'hui, car le cycle entier de l'électronique est toxique, que ce soit en amont ou en aval. Pour vous donner quelques exemples, l'un des grands problèmes, c'est l'extraction minière. L'extraction minière est probablement l'industrie la plus polluante qui existe. Je veux dire, plus m'y intéresser ces derniers temps, je constatais que par rapport à même l'extraction pétrolière, hein, c'était vraiment quelque chose d'absolument redoutable. Une industrie, par ailleurs, où le niveau de coercition est tellement grand qu'il y a très très peu de contestations, et encore moins, elle est très très rare de la part du milieu des ingénieurs, des techniciens haut placés, à l'exception du collectif Systext, qui fait un travail remarquable. Et que l'extraction minière dans le monde a augmenté de 60% entre 2000 et 2012. Et que, en fait, l'utilisation de terres rares et de métaux pour l'électronique y joue une part importante. Par exemple, le secteur des TIC consomme 50 à 60% du tantal, le tantal qui permet d'obtenir du coltan. Donc 50 à 60% du tantal extrait chaque année dans le monde. Il consomme 26% de l'étain et 9% de l'or qui est extrait chaque année dans le monde. Le tantal, l'étain, le tungstène sont souvent extraits au Congo. Ce sont les fameux minerais de conflit qui déstabilisent une grande partie de cette région. En Indonésie, il y a eu des rapports de Greenpeace sur l'île de Bangka où la production d'étain destinée aux smartphones a provoqué un véritable désastre écologique. Dans le monde entier, il y a des révoltes d'habitants contre la création de nouvelles mines d'or, notamment à Thessalonique en Grèce, notamment à Roseamontana en Roumanie. Il y a ce grand projet en France de la méga mine d'or de Guyane, dont le projet est lancé et contre laquelle beaucoup de gens se mobilisent, puisque ça va être un ravage total. Une ingénieure minière me disait que la moyenne mondiale de la teneur en or extraite dans le monde, c'est 1 gramme d'or extrait pour une tonne de roche broyée et traitée chimiquement. Ça veut dire qu'on détruit des espaces absolument gigantesques, des écosystèmes absolument gigantesques, pour récolter à la fois quelque chose d'infime. Je voudrais souligner aussi que le tungstène, qui par exemple pour les smartphones est utilisé pour la fonction vibreur, et qui est bien sûr massivement utilisé dans l'armement, puisque ça sert à faire des têtes de missiles, risque d'être exploité en Ariège, juste à côté de Toulouse, puisqu'il y a un projet de réouverture d'une mine importante de tungstène contre lequel il y a une mobilisation. Et c'est très important de faire le lien entre le problème écologique gigantesque de ce qui va se passer en Ariège et les choses qui sont produites à Toulouse. Voilà. Pour le secteur minier, je crois que j'ai un peu expliqué. Le secteur des TIC, par ailleurs, donc vous savez, extrêmement vorace en terres rares, comme l'antimoine, le barium, le beryllium. Et la majorité de cette terre rare est extraite, traitée chimiquement en Chine, notamment en région de Mongolie intérieure, à Baotou. Baotou, surnommée la ville du cancer, car dans tous ces alentours, la production agricole est devenue impossible du fait des rejets toxiques qui sont liés à cette exploitation monumentale et extrêmement polluante. Donc là, je n'ai parlé que de l'extraction minière. Je ne vais pas détailler pour chaque chaîne, pour chaque maillon de cette chaîne de production. Mais il y a des rapports très éloquents de Greenpeace qui sont produits régulièrement sur la production de circuits imprimés, la production de semi-conducteurs, la production d'écrans, dont une grande majorité est réalisée en Chine, au Vietnam, aux Philippines, en Inde et parfois au Mexique. Et sur chaque site de cette production, il y a une pollution absolument ingérable des réseaux aquifères, donc plus d'eau potable. Il y a des rejets de métaux lourds. Pour vous dire un peu, voilà, on est dans une croissance exponentielle de cette industrie-là, de l'industrie électronique. Et là, on est prêt à accepter passivement l'idée qu'on va en produire encore plus, 10 fois plus, 100 fois plus. Un mot sur donc les déchets électroniques. Cette année, enfin en 2016, c'est 64 millions de tonnes de déchets électroniques qui ont été produits. Pareil, c'est absolument ingérable. Il y a des scandales qui sont même très très bien décrits dans Le Monde où on voit que réellement c'est comme ce qu'on raconte au bistrot du commerce, c'est que oui, les déchets électroniques, malgré l'interdiction d'exportation, partent dans des bateaux à destination de l'Afrique. Donc je vous engage, si vous voulez, à vous documenter un peu sur la région d'Accra, au Ghana, immense ville faite de déchets électroniques, où toutes sortes de gens passent leur temps à faire fondre des circuits imprimés pour récupérer les métaux et tout ça. Et la décharge de Guiyou, surnommée le cimetière électronique mondial, qui est en Chine. Voilà. Bon, dire tout ça, et pour conclure, il me semble qu'en tant que simple citoyen, citoyenne, ou en tant qu'étudiant, en tant que chercheur ou ingénieur, il faut absolument cesser de se laisser intimider par le prestige de l'activité scientifique et aller regarder et contester les recherches telles qu'elles sont, là où elles se font, de manière très très concrète. Par exemple, d'aller contester l'orientation des recherches en robotique qui sont menées aujourd'hui dans cette ville. Merci. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de Moisin et on vient d'entendre Célia Isoar, journaliste pour la revue de critique sociale itinérante Z, dont on a déjà eu l'occasion d'entendre les auteurs sur les ondes de Radio Zinzine. Et Célia, à propos de la revue Z, parlait de sa lettre au roboticien qu'elle a adressée, c'était en 2015, à un certain nombre de personnes qui sont impliquées dans la robotique à Toulouse. Cette lettre, on la trouve donc dans la revue Z numéro 10, qui est consacrée donc à la métropole de Toulouse. Et vous pouvez facilement trouver ces lettres, en fait il y en a plusieurs, ces lettres aux roboticiens sur Internet. Je crois que c'est publié sur le site de Mediapart. Mais si vous ne voulez pas passer par là, je vous enverrai une copie. D'autant plus que Célia Isoar a aussi publié dans La décroissance des robots dans la ville sur une espèce de course de robots à Toulouse. C'est assez drôle parce que c'était assez lamentable comme réalité par rapport aux fantasmes qui sont exposés là-dedans. C'était dans La décroissance de novembre 2016. Célia Isoar parlait aussi de Norbert Wiener, le père de la cybernétique, qui, sa lettre au syndicaliste Walter Rother, qu'elle évoquait, Walter Rother, syndicaliste donc dans l'industrie automobile, il l'a envoyé en août 1949, et là aussi, c'est publié dans la revue Z de tous ces textes, je peux vous les envoyer, et quelques autres aussi sur le même thème. En écrivant à Radio Zinzine, bien évidemment, ou en envoyant un petit mail à radiozinzine.org. Pour finir avec Norbert Wiener, qui, malgré le fait qu'il a beaucoup travaillé dans la cybernétique, la construction des machines, l'innovation technologique, etc., avait une certaine lucidité vis-à-vis des conséquences sociales et politiques de tout cela, puisque c'était sur l'affiche qui annonçait la conférence de Célia Isoar, entre autres. Norbert Wiener déclarait: Toute main-d'œuvre mise en concurrence avec un esclave, humain ou mécanique, doit accepter les conditions de travail de l'esclave. Et ça reste toujours valable aujourd'hui, puisque dans une précédente émission, Pablo Servigne nous avait montré que environ un litre d'essence, de carburant pour une automobile représentait en fait un mois de travail humain. Eh bien, donc ça donne la mesure ça donne la mesure de la concurrence que font les machines vis-à-vis du travail humain. Même si on peut se plaindre que l'énergie était encore chère, il est évident qu'elle est encore pas assez chère pour que le travail humain devienne quelque chose de respectable de nouveau dans cette société. Je voulais bien évidemment remercier l'Université Populaire de Toulouse d'avoir non seulement organisé cette conférence qui est très intéressante, conférence qui date du 11 mars 2017, et surtout de l'avoir mise en ligne et d'avoir mise en ligne la totalité de la série de conférences, puisque la prochaine émission de Racines de moins 1 sera consacrée aux deux autres intervenants qui nous parleront de cas plus concrets, puisque là, Célia Isoar a fait une analyse un peu générale. Et là, il y a un intervenant qui nous parlera de la logistique dans les entrepôts qui distribuent les marchandises des supermarchés, et un autre qui abordera les questions plus juridiques de cet ordre-là autour de la robotisation, etc. Avec là aussi des exemples concrets sur les voitures autonomes et d'autres choses de ce genre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Cette invention vient à l'appui de la doctrine que nous avons déjà exposée. C'est lorsque le capital enrôle la science à son service, la main rebelle du travailleur apprend toujours à être docile. Racine de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.